La comédie. Le spectacle, dit Hamlet, voilà le piège où j'attraperai la conscience du roi. Attraper est bien dit, car la conscience va vite ou se replie. Il faut la saisir au vol à ce moment inappréciable où elle jette sur elle-même un regard fugitif. L'homme quotidien n'aime guère à s'attarder, tout le presse au contraire. Mais en même temps, rien plus que lui-même ne l'intéresse, surtout dans ce qu'il pourrait être. De là, son goût pour le théâtre, pour le spectacle, où tant de destins lui sont proposés, dont il reçoit la poésie sans en souffrir l'amertume. Là, du moins, on reconnaît l'homme inconscient, et il continue à se presser vers on ne sait quel espoir. L'homme absurde commence où celui-ci finit, où, cessant d'admirer le jeu, l'esprit veut y entrer, pénétrer dans toutes ses vies, les éprouver dans leur diversité. C'est proprement les jouer. Je ne dis pas que les acteurs en général obéissent à cet appel, qu'ils sont des hommes absurdes, mais que leur destin est un destin absurde, qui pourrait séduire et attirer un cœur clairvoyant. Ceci est nécessaire à poser pour entendre sans contresens ce qui va suivre. L'acteur règne dans le périssable. De toutes les gloires, on le sait, la sienne est la plus éphémère, cela se dit du moins dans les conversations. Mais toutes les gloires sont éphémères. Du point de vue de Sirius, les œuvres de Goethe dans 10 000 ans seront en poussière et son nom oublié. Quelques archéologues, peut-être, chercheront des témoignages de notre époque. Cette idée a toujours été enseignante. Bien méditée, elle réduit nos agitations à la noblesse profonde qu'on trouve dans l'indifférence. Elle dirige surtout nos préoccupations vers le plus sûr, c'est-à-dire vers l'immédiat. De toutes les gloires, la moins trompeuse est celle qui se vit. L'acteur a donc choisi la gloire innombrable, celle qui se consacre et qui s'éprouve. De ce que tout doit un jour mourir, c'est lui qui tire la meilleure conclusion. Un acteur réussit ou ne réussit pas. Un écrivain garde un espoir, même s'il est méconnu. Il suppose que ses œuvres témoigneront de ce qu'il fut. L'acteur nous laissera au mieux une photographie, et rien de ce qui était lui, ses gestes et ses silences, son souffle court ou sa respiration d'amour, ne viendra jusqu'à nous. Ne pas être connu de lui, c'est ne pas jouer. Et ne pas jouer, c'est mourir 100 fois avec tous les êtres qui l'auraient animé ou ressuscité. Quoi d'étonnant à trouver une gloire périssable bâtie sur les plus éphémères des créations. L'acteur a 3 heures pour être Iago ou Alceste, Phèdre ou Gloucester. Dans ce court passage, il les fait naître et mourir sur 50 mètres carrés de planche. Jamais l'absurde n'a été si bien ni si longtemps illustré. Ses vies merveilleuses, ces destins uniques et complets qui croissent et s'achèvent entre les murs et pour quelques heures, quel raccourci souhaiter qui soit plus révélateur? Passé le plateau, Sigismond n'est plus rien. 2 heures après, on le voit qui dîne en ville. C'est alors peut-être que la vie est un songe. Mais après Sigismond vient un autre. Le héros qui souffre d'incertitude remplace l'homme qui rugit après sa vengeance. À parcourir ainsi les siècles et les esprits, à mimer l'homme tel qu'il peut être et tel qu'il est, l'acteur rejoint cet autre personnage absurde qui est le voyageur. Comme lui, il épuise quelque chose et parcourt sans arrêt. Il est le voyageur du temps et, pour les meilleurs, le voyageur traqué des âmes. Si jamais la morale de la quantité pouvait trouver un aliment, c'est bien sur cette scène singulière. Dans quelle mesure l'acteur bénéficie de ses personnages ? Il est difficile de le dire. Mais l'important n'est pas là. Il s'agit de savoir seulement à quel point il s'identifie à ces vies irremplaçables. Il arrive en effet qu'il les transporte avec lui, qu'il déborde légèrement le temps et l'espace où ils sont nés. Ils accompagnent l'acteur qui ne se sépare plus très aisément de ce qu'il a été. Il arrive que pour prendre son verre, il retrouve le geste d'Hamlet soulevant sa coupe. Non, la distance n'est pas si grande qui le sépare des êtres qu'il fait vivre. Il illustre alors abondamment, tous les mois ou tous les jours, cette vérité si féconde qu'il n'y a pas de frontière entre ce qu'un homme veut être et ce qu'il est. À quel point le paraître fait l'être, c'est ce qu'il démontre, toujours occupé de mieux figurer. Car c'est son art, cela, de feindre absolument, d'entrer le plus avant possible dans des vies qui ne sont pas les siennes. Au terme de son effort, sa vocation s'éclaire, s'appliquer de tout son cœur à n'être rien, ou à être plusieurs. Plus étroite est la limite qui lui est donnée pour créer son personnage et plus nécessaire est son talent. Il va mourir dans 3 heures, sous le visage qui est le sien aujourd'hui. Il faut qu'en 3 heures, il éprouve et exprime tout un destin exceptionnel. Cela s'appelle se perdre pour se retrouver. Dans ces 3 heures, il va jusqu'au bout du chemin sans issue que l'homme du parterre met toute sa vie à parcourir.